Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France, par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle est la critique de l'utilitarisme individualiste d'Émile Durkheim? Quels sont les fondements de la différenciation individuelle chez le sociologue, s'interroge Pierre-Michel Menger. Comment se comporte l'individu dans les conditions présentes de son ancrage social et historique au sein d'une société inégalitaire? Comment expliquer l'individuation croissante dans les sociétés modernes et complexes? Pierre-Michel Menger, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, directeur d'études à l'EHESS, nous propose depuis 2017 une enquête en forme de diptyque sur 2 années dans le cadre de sa série intitulée « Qu'est-ce que le talent ?» éléments de physique sociale des différences et des inégalités. Les derniers cours s'attachent aux controverses sur l'égalitarisme, les relations entre capacité et éducation. Le sociologue nous a longuement présenté les travaux du philosophe Claude-Adrien Helvétius et les critiques qu'il a suscitées. Aujourd'hui, il met en valeur l'originalité de la conception du comportement des individus chez le sociologue Émile Durkheim, mais il souligne aussi sa conception tragique de l'évolution sociale. Pierre-Michel Menger appelle le problème récurrent ainsi formulé, et je le cite, « Comment à partir de différences individuelles extraire des valeurs, des raisons d'agir, des équilibres comportementaux, une morale, des architectures économiques et sociales qui produisent aussi des biens collectifs. » À partir de l'analyse de Durkheim, il met en valeur le risque de dérèglement qui menace toute activité individuelle. Quelles sont alors les ambivalences de l'imagination, ce formidable aiguillon de l'inventivité et de la valeur talent? Mais avant de découvrir la solution différentialiste de Durkheim, nous prenons connaissance des enjeux de méthode et de l'hypothèse que Pierre-Michel Menger a appelée « zéro différence originelle de talent ». Et nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 23 mars 2018 pour le cours de Pierre-Michel Menger « Différence, talent et éducation, les positions et les controverses sur l'égalitarisme, aujourd'hui, Helvétius et Durkheim ». J'ai examiné ou cité la semaine dernière des auteurs comme Helvétius, Rousseau, Diderot, Condorcet ou Adam Smith. Leur contribution à l'exploration de la question des différences interindividuelles relève de la philosophie morale, de la philosophie politique ou de l'économie politique. Ces contributions ne sont pas empiriques, mais théoriques et spéculatives et ont une forte orientation normative. Il s'agit de décrire non pas simplement ce qu'a été ou ce qu'est la substance de l'individuation à partir de la définition qu'on en donne et ce qu'est la relation entre les individus et l'organisation sociale, mais aussi ce que cette relation pourrait être et devrait être dans un monde mieux ajusté aux idéaux promus comme celui de l'égalité des chances ou de l'égalité des conditions, et celui du meilleur équilibre possible entre la liberté et l'égalité, un des grands thèmes du XVIIIe siècle. Je voudrais faire ici une mise au point à la fois théorique et méthodologique pour dire ceci, la question du talent en général et en particulier, dans cette période et dans celle que je vais examiner ensuite, est soumise à une pression analytique et normative tout à fait particulière. Dans la préhistoire des sciences de l'individu et du couple individu-société qui a concerné ces sciences quand elles se sont développées, la sociologie, l'économie, la psychologie, le choix théorique à faire dans la préhistoire de ces sciences était assez simple, d'autant que la recherche empirique ne pouvait pas venir contredire sévèrement des hypothèses, qu'elles soient plausibles, raisonnables ou radicales comme celles que nous avions examinées. Ce choix est de savoir si l'hypothèse de l'identité parfaite ou quasi parfaite de tous les individus au départ est une hypothèse acceptable ou non. Nous avons vu lors du cours de la semaine dernière que la réponse était contenue non pas dans la manière dont on comprend la matière complexe dont un individu est fait au départ, mais dans la manière dont on analyse le développement de l'individu une fois qu'il entre en interaction avec son environnement. Le clivage décisif ne porte pas sur l'acceptation ou non de telle ou telle thèse, ici, comme on l'a vu, sensualiste ou associationniste, chez les auteurs dont j'ai traité, mais sur la question de savoir si au point d'origine, il existe des propriétés innées qui ne sont pas construites ultérieurement, mais déjà présentes. Et si ces propriétés innées existent, autrement dit, si le câblage cognitif, notamment cognitif individuel, est déjà présent à l'origine et n'est pas le simple produit d'un développement à partir de rien, la question se pose de savoir si ce câblage est rigoureusement identique pour tous ou non. Le levier de l'argument de la différenciation, c'est la transposition au capital cognitif inobservable de la réalité observable, celle-là, des différences physiques qui font d'un individu une entité à nul autre semblable, à la rarissime exception près des jumeaux homozygotes, mais sans que la similitude soit jamais absolument parfaite dans la conformation physique. Ces jumeaux ont d'ailleurs été un des sujets majeurs de la recherche en psychologie sur les questions de l'inné et de l'acquis, comme on le sait. Et nous n'en avons pas fini. Mais à la différence de l'argument de l'identité initiale parfaite, l'argument de la différence, est-on différent à l'origine, peut laisser le quantum de différence largement indéterminé. De combien, si nous le sommes, on le laisse indéterminé. Cette différence de traitement de la question de l'identité et de la différence, c'est-à-dire d'un côté l'exigence d'identité interindividuelle radicale et de l'autre la proposition relativement indéterminée de l'existence de différence, confère au traitement de la question de l'individualité deux versants différents. Premièrement, sur des questions aussi sérieuses et aussi difficiles que la part de ce qu'on appelle la variance des caractéristiques individuelles qui doit être attribuée à des dotations génétiques initiales et la part qu'il revient d'attribuer à toute la machinerie du développement de l'individu, une analyse empirique est en général très vite écrasée par le point de vue normatif. Et l'hypothèse de l'identité radicale a de fait une charge normative et méthodologique très élevée. Il est plus efficace et plus salutaire, dit en substance une position normative comme celle de Helvétius, de partir de l'hypothèse de l'identité radicale pour penser une société qui soit radicalement différente de la société inégalitaire des privilèges de sang et de rang de l'ancien régime. Nous sommes dans ce contexte-là. Et l'ontologie inégalitaire de la transmission biologique des privilèges héréditaires de la société d'ancien régime agit comme un repoussoir radical. L'expérience contrefactuelle, ce qu'on appelle en anglais « what if », qu'est-ce qui si ? L'expérience contrefactuelle de la remise à égalité de tous est tout ensemble biologique et politique, ou doublement matérialiste. Comment penser une société dont les membres sont tous non seulement formellement égaux en droit, mais substantiellement identiques à leur naissance par leur complexion physiologique et cognitive ? Voilà le principe. Donc toute la charge de la différenciation vient de la structure sociale qui compose l'environnement. Et la formule, c'est « qui analyse bien l'environnement social analysera bien l'individu ». Et qui analyse bien l'environnement et l'individu, évidemment, saura dire comment transformer l'un et l'autre. C'est l'argument de Helvétius et, d'une manière assez différente, ce sera aussi l'argument de Marx. Même si Marx, lui, reproche à Helvétius n'avoir jamais rien vu sur les conflits de classe. Mais comment au juste se comporte l'individu dans les conditions présentes de son ancrage social et historique au sein d'une société inégalitaire ? Il faut donc doter tous les individus d'un même moteur de comportement pour que les différences soient entièrement analysables selon l'équation 0 pour les caractéristiques initiales, 100 pour l'environnement producteur de différences. Les variations et les différences de comportement sont entièrement expliquées à partir des propriétés de l'environnement. L'environnement est fait à la fois d'autrui, humain et non humain, mu par les mêmes intérêts. Il est fait de situations, d'expériences, d'objets, d'institutions, de transactions, d'apprentissage, de connaissances à acquérir. Le moteur du comportement qui oriente l'individu dans ses interactions avec cet environnement, c'est, avons-nous vu la semaine dernière, la recherche de son intérêt. L'intérêt guide le comportement de l'individu dans son environnement pour le pousser à rechercher la satisfaction de ses désirs et repousser les expériences pénibles. Et quand l'intérêt est récompensé, il augmente l'intensité de la recherche de nouvelles gratifications, y compris les gratifications qui viennent de l'estime et de l'admiration d'autrui. Et c'est ici que la construction politique et normative intervient. Le législateur, celui qu'invoque Helvétius, ou le spectateur impartial qu'invoquera l'utilitarisme de Bentham et de John Stuart Mill et que critiquera John Rawls, le législateur est celui qui doit mettre en conformité ce déploiement de l'individualisme utilitariste avec l'idéal politique qui est en conformité avec l'hypothèse de départ ou l'objectif de départ, en imposant les incitations et les conditions nécessaires. Cette position toute puissante du législateur pour organiser une société individualiste utilitariste poussera quelqu'un comme Isaiah Berlin à dénoncer en Helvétius un profond ennemi de la liberté individuelle. Je note ici au passage que la solution de Helvétius diffère totalement de celle d'un autre individualiste, Adam Smith, puisque la contrainte à exercer sur la situation des individus par la limitation de la création de richesses, selon Helvétius, et par la restriction des objets sur lesquels doivent se fixer les passions, principalement se fixer sur les seuls honneurs et gloires non monétaires, ça c'est l'argument d'Helvétius, à cet argument-là s'oppose totalement l'argument du libre jeu des intérêts individuels que coordonne la main invisible chez Adam Smith pour produire un ordre social spontanément efficace et dans lequel l'égalité est pour l'essentiel assurée par l'architecture des transactions et des contrats et par le fonctionnement aussi équitable et juste que possible, c'est-à-dire par une compétition juste, des transactions bilatérales. Mais dans tous les cas, chez l'un comme l'autre, et bien au-delà, c'est la variable de l'éducation qui est centrale pour assurer le développement de tous les individus, et c'est la variable de la contrainte sur l'environnement, c'est-à-dire du façonnage de l'environnement, politique et normatif, qui est décisive pour limiter le potentiel inégalitaire du plein développement des individus une fois qu'ils sont engagés dans des activités ou des métiers plus ou moins difficiles. Helvétius, mais aussi Bentham, Mills ou Adam Smith souscrivent tous à une axiomatique individualiste et utilitariste, même si ces auteurs se séparent sur les constructions politiques et socio-économiques qu'il faut en dériver. Et donc, pour résumer, l'utilitarisme, dont on le sait, Helvétius fut un des inspirateurs directs et dont l'individualisme méthodologique de l'analyse économique classique et néoclassique s'est largement nourri, commet ce que, dans un essai que Le sacrifice et l'envie, Jean-Pierre Dupuis appelle un péché originel, celui de faire l'impasse sur la pluralité humaine, en étendant au problème de la bonne société les principes du choix rationnel valable pour un individu unique. En second lieu, j'avais énoncé deux points, voilà le deuxième, nous avons brièvement examiné un argument opposé au radicalisme de Helvétius avec ses commentaires critiques que donnait Diderot, qui consistait tout simplement à dire à Helvétius, ou à une position aussi radicale que la sienne, qu'il s'agit de tempérer l'hypothèse de l'indifférenciation individuelle originaire. Concédons certains points, mais n'allons pas jusqu'où va une thèse radicale. Les solutions prudentes et réalistes qui sont opposées à la thèse radicale, comme on l'a vu avec Diderot, disent, et c'est aussi ce que fera, et je vais le montrer aujourd'hui, Durkheim, il y a des différences initiales, on peut les appeler comme on veut, Durkheim n'hésite pas à les appeler naturelles, elles existent, mais elles entrent en composition avec des facteurs environnementaux qui ont plus d'importance qu'elles, alors qu'elles ont une importance, mais faible, ou même de plus en plus faible, dira Durkheim. Et donc, évidemment, ce constat, il est beaucoup moins radical. Il a un côté radical socialiste, si on veut. À quoi peut bien servir ce type de constat prudent s'il ne peut pas être étayé empiriquement? Et à l'époque, il ne l'était pas. On dira qu'il peut s'agir d'un simple réalisme analytique. Il serait absurde, dit le réalisme analytique en question, de ne pas étendre aux capacités cognitives l'hypothèse qu'il y a des différences qui sont comparables à celles, enfin, comme on peut en observer dans les caractéristiques physiques, mais il serait probablement encore plus absurde de se fonder sur ces caractéristiques physiques pour en déduire des écarts de même amplitude dans les caractéristiques cognitives. Voilà le double argument. Nous savons bien, et ça c'est un fait qui a été acquis par la recherche aujourd'hui, que le capital cognitif a un développement beaucoup plus complexe que les traits physiques et que la part de déterminisme génétique des traits physiques n'a absolument pas d'équivalent dans le déterminisme génétique des traits cognitifs. À l'époque, au XVIIIe siècle, Rousseau, dans sa critique de Helvétius, avançait les arguments suivants. Contre la thèse de l'égalité des esprits, qui suppose un sujet percevant entièrement passif et une entière passivité de son jugement, Rousseau défendait l'idée ou l'argument de l'activité innée de l'esprit qui, selon lui, ne se laisse pas réduire à la sensibilité physique. Non pas la présence d'idées innées, comme on les avait invoquées auparavant et qu'on voulait les récuser, notamment avec les empiristes anglais, mais une distinction qu'il fallait faire entre le jugement, qui est une faculté active et le cœur de la cognition, et la perception, qui est du côté de la passivité du sujet, selon Rousseau, et qui est le cœur du sensualisme associationniste de Helvétius. Une citation de Rousseau. Qu'on donne tel ou tel nom à cette force de mon esprit qui rapproche et compare mes sensations, c'est un argument fameux des empiristes, qu'on l'appelle attention, méditation, réflexion ou comme on voudra, toujours est-il vrai qu'elle est en moi et non pas dans les choses et que c'est moi seul qui la produis, quoique je ne la produise qu'à l'occasion de l'impression que font sur moi les objets. Une partie essentielle de l'œuvre de Kant sera exactement consacré à ce problème. On pourrait objecter qu'on peut parfaitement admettre que le jugement et la sensation sont deux opérations profondément différentes et que c'est une thèse juste, mais on pourrait aussi dire « Ok, mais on ne récuse pas l'égalité initiale des capacités. Nous pouvons très bien différencier la vie psychique en deux processus essentiellement différents. D'un côté, nous nous sentons le récepteur passif des impressions des sens, et de l'autre, nous éprouvons en nous-mêmes une spontanéité ou une activité qui travaille ces impressions. » Et dans un article qui a été consacré à Rousseau, Diderot critique de Helvétius, un philosophe, Jörn Schössler, remarque qu'il est toujours possible de soutenir que nous avons en naissant le même potentiel d'activité spirituelle et que la différence d'intelligence et de caractère observable parmi les hommes est due à l'éducation différente qu'ils ont reçue. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça? Intervient l'argument de l'organisation intérieure qui différencie les individus dont la capacité de jugement et de perception procède de cette organisation et de la manière suivante. Je cite à nouveau Rousseau. Selon Rousseau, nous tirons toutes nos idées et tous nos sentiments des sensations, mais nous naissons avec nos dispositions à les acquérir. C'est ces mots. Autrement dit, bien que le développement de l'individu soit déterminé dans une large mesure par la nature des impressions reçues du dehors, il ne se fait qu'en fonction d'un facteur inné, une organisation intérieure, dit-il, qui fait que les mêmes impressions agissent différemment sur des individus différents. Cette organisation intérieure est le siège de la différenciation des individus. C'est la signature de l'irréductibilité du sujet à la somme des traces que peut imprimer sur lui un environnement d'objets et d'autres sujets. Et maintenant, retournons la situation de la controverse. De manière plus critique, la position réaliste probabiliste, celle qui dit qu'il y a un montage différencié, jugement ou comme on l'appellera, ou organisation intérieure d'un côté et sensation de l'autre, et que ce montage différencié définit un individu et sa singularité, cette position réaliste demandera à son opposé, c'est-à-dire la position de la table rase, à quoi peut bien servir l'hypothèse de zéro différence quand elle s'applique à la partie la plus complexe de l'individu, celle qui concerne ses capacités cognitives et ensuite les conditions sociales des individus, les conditions affectives, émotionnelles, de développement et d'inhibition des similarités, des différences. Bien sûr, le réalisme probabiliste, celui de la différenciation, peut invoquer le fait suivant. Récuser la différenciation, c'est postuler que 100% de la variance du phénomène d'individuation est expliquée par l'environnement. Or, prétendre expliquer 100% de la variance de phénomènes aussi visiblement complexes que l'individuation et les différences individuelles est à peu près une absurdité totale. Il y a peu de phénomènes dans la société, notamment, et dans la nature, qui sont explicables, dont on peut expliquer 100% de la variance, même très peu. Seule la décomposition de la variance du phénomène d'individuation peut permettre de faire apparaître les multiples causes de la variabilité individuelle. Mais en réalité, il y a autre chose qu'une sorte d'audace, ou peut-être d'absurdité probabiliste, dans le 100% de la variance expliquée. Il y a une forme d'objection ou de manœuvre argumentative. La charge de la falsification de l'argument radicalement égalitariste doit être entièrement supportée par les différentialistes. Telle est la manœuvre. Pourquoi ? Parce que le crime logique suprême serait la tautologie. Une fois observées des différences individuelles de conditions, de réussite, d'échec dans une société, il est tautologique de vouloir assigner ces différences à des différences de distribution originelle des caractéristiques, autrement dit, de vouloir pratiquer l'inférence à partir du résultat. On en a déjà parlé. Alors, examinons un instant cette objection ou cette manœuvre comme autre chose qu'une facilité rhétorique ou polémique. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre à cette objection ou à cette manœuvre ? Il y a trois réponses possibles. La première, c'est celle que j'ai fournie en examinant l'argument des dispositions et en récusant le soupçon de fallacie, d'argument fallacieux qui cherche à disqualifier le raisonnement dispositionnel. Si l'on disqualifie les dispositions, des sociologies entières sont anéanties, sans doute probablement au plus grand effroi de ceux qui croyaient tenir dans l'argument du 100% de la variance expliquée la justification suprême d'un égalitarisme infalsifiable. Une autre réponse invoquera la symétrie. Prouvez-moi que l'hypothèse inverse est fausse. Que l'hypothèse selon laquelle une différence originelle explique une part d'une différence subséquente est fausse. Prouvez-moi ça. À l'évidence, ce n'est pas le contenu logique de l'argument qui est en cause, mais deux problèmes précis. Le problème de la mesure des phénomènes considérés et de la décomposition de la variance. La prudence plaide pour un résidu inobservable, mais potentiellement explicatif. Et le problème des mécanismes qui agissent causalement pour produire de la différence. Troisième point, une troisième réponse affirmera « Donnez-moi la preuve empirique du zéro différence à l'origine, si vous y arrivez, si vous voulez me persuader de la fausseté de mon argument différentialiste, selon lequel il y a bien des différences à l'origine, dont la mesure est certes imprécise, mais peut-être moins invraisemblable que l'hypothèse inverse. » En réalité, le juge de paix, c'est le travail empirique. Mais pas seulement celui des sociologues, bien sûr, mais aussi des psychologues, des généticiens, des épigénéticiens, des éthologues, des biologistes, des économistes ou des cogniticiens. Une autre position radicale possible consisterait à considérer que l'individu ne compte pas, qu'il n'y aurait de science que du général, et donc pas de fin des variations individuelles à analyser, parce que les divisions du monde social sont suffisamment puissantes pour envelopper les individus dans des classes d'intérêts, de comportements et de destins, et que cet enveloppement probabiliste suffit à caractériser simultanément les propriétés fondamentales de la structure sociale et la distribution des capitaux individuels qui définissent l'individu, non pas substantiellement, mais structurellement. Tout ce qui met en relief la différenciation individuelle ne serait qu'une naturalisation de la causalité sociale. Puisque j'ai examiné des auteurs qui partent de l'hypothèse de zéro différence originelle de talent, eh bien maintenant je vais examiner la solution différentialiste avec Durkheim, même si elle se présente dans certains de ses textes avec la prudence des solutions d'à peu près. Mais il y a des prudences qui sont aussi des audaces, vous allez le voir. Il y a des différences, dit Durkheim, je vais annoncer l'argument tout de suite, il y a des différences originaires, mais elles sont négligeables au regard de la force des mécanismes du développement de l'individu dans son environnement, par sa socialisation et son éducation. Mais ces différences qui sont négligeables en termes probabilistes ne sont pas non plus insignifiantes et nulles. On peut demander, comme pour l'argument de zéro différence, à quoi peut bien servir l'hypothèse de différence originaire, mais indéterminée et très générale. Est-ce que c'est du simple réalisme analytique? Autrement dit, comment ne pas étendre aux capacités cognitives l'hypothèse qu'il y a des différences comme on les voit dans les caractéristiques physiques? Mais, je l'ai dit, il serait encore plus absurde de déduire des écarts de même amplitude dans les caractéristiques psychiques. En réalité, l'argument des différences originaires, même générales et indéterminées, est nécessaire à Durkheim pour soutenir son argument de la dualité de l'individu. Donc, il n'est plus simplement question de l'individu par rapport à un autre individu, mais de la composition complexe dont est faite l'individu. Le Collège de France et France Culture vous présente le sociologue Pierre-Michel Menger. Aujourd'hui, différences, talents et éducation, les positions et les controverses sur l'égalitarisme, Émile Durkheim et Helvétius. La sociologie de Durkheim s'est, je l'ai brièvement indiqué la semaine dernière, construite contre l'individualisme utilitariste, notamment en faisant de l'individualisation croissante des situations personnelles qu'il observe et dont il fait la thèse majeure de ses grands livres, La division du travail social, le suicide, en faisant de cette individualisation non pas une variable explicative de la formation et de la réforme des sociétés, mais une variable à expliquer. Cette individualisation croissante, c'est ce qu'il faut expliquer. Alors, j'ai parlé de la dualité de l'individu, c'est un ressort essentiel de toute la démonstration de Durkheim, et c'est une différence radicale avec l'utilitarisme. Cette conception duale de l'individu doit permettre tout à la fois de résoudre les difficultés posées par une anthropologie strictement utilitariste, et de comprendre comment rendre opératoire l'argument selon lequel la société, si elle est bien logée en chacun de nous, ne l'est pas au point de nous façonner intégralement. Et le problème revient toujours, comment, à partir de différences individuelles, extraire des valeurs, des raisons d'agir, des équilibres comportementaux, une morale, une architecture économique et sociale qui produisent aussi des biens collectifs. La première originalité de Durkheim, c'est sa conception du comportement des individus. Et ça, c'est une réponse directe à l'utilitarisme. Que l'individu soit une variable à expliquer et non pas une donnée immédiate, on le voit avec la conception durkheimienne de l'évolution des sociétés vers la complexité des systèmes à structure, ce qu'il appelle interdépendance organique, des sociétés complexes à structure organique et non plus mécanique, à solidarité organique et non plus mécanique. Et la grande thèse de Durkheim, c'est que l'évolution des sociétés vers cette solidarité organique, vers cette structure d'interdépendance complexe entre toutes les parties de la société, cette évolution est porteuse d'ambivalence. D'un côté, les civilisations se perfectionnent, c'est son vocabulaire, comme c'était celui des grands philosophes des Lumières du XVIIIe siècle, mais dans un jeu très complexe de gains et de pertes, d'avancées et de crises. Le processus de perfectionnement civilisateur s'incarne dans l'accumulation des réalisations humaines, les forces qui permettent de différencier les fonctions productives, l'architecture de plus en plus fine des métiers, d'étendre les connaissances et de les accumuler et de les faire progresser, et de déployer les ressources de la créativité humaine. Toutes ces forces sont libérées par le thème du progrès et par la complexification des sociétés qui alimentent ce progrès. Telles sont aussi les conditions du plein accomplissement possible de l'individu, puisque le processus de perfectionnement a pour résultat social tangible, dans une société bien équilibrée, l'individualisation croissante des conditions d'existence, pourvu que celles-ci soient enchâssées, non pas simplement dans des formes de plus en plus sophistiquées d'interdépendance, mais aussi dans des formes appropriées de régulation normative. Mais ce perfectionnement est aussi porteur de menaces et de crises, et l'une d'entre elles, c'est un risque de dérèglement qui menace toute activité individuelle. Et ça, c'est une différence profonde avec l'individualisme utilitariste. La menace du libre épanouissement de la singularité individuelle contre la contrainte des lois du groupe. Cette menace n'est pas accidentelle, elle révèle des forces qui existent au fond de chaque individu et qui doivent être contenues par son intégration dans le groupe. Eh bien, c'est une économie, c'est une affaire d'économie ou d'économie au sens générique du terme, c'est-à-dire de configuration des besoins et des désirs. Et je vais m'y attarder un petit instant, mais notez ici que pour l'instant, il n'est pas encore question d'inégalité ou de différence interindividuelle. L'analyse s'applique à l'individu et à l'individuation en général. Comment ? Comment fonctionne la machine humaine, selon Durkheim ? Et ici, il fait fond sur à la fois l'anthropologie philosophique classique, mais aussi sur la physiologie et la psychologie de son époque, pour examiner cette dualité de la nature humaine. L'homme a des besoins et des désirs. Les besoins sont de deux ordres. Les besoins primaires sont d'origine organique et physiologique. Ils sont plus complexes qu'une pulsion brute, immédiate, mais ils sont limités et apaisés par la satisfaction que leur apporte un acte de consommation, nourriture, eau, sommeil, etc. Les désirs sont les besoins supérieurs, la deuxième catégorie de besoins, et ils obéissent à une logique tout à fait différente. Les objets sur lesquels les désirs ou les besoins supérieurs se fixent sont des biens et des formes de consommation élaborées, des biens matériels et culturels qui résultent des progrès de la division sociale du travail et des manières de vivre telles que le confort, les soins du corps au-delà des besoins primaires de santé, les biens superflus, mais générateurs de satisfaction. Dans l'activation et la satisfaction de ces désirs, l'imagination et la réflexion agissent directement. Elles activent la recherche de la variété et du raffinement des satisfactions et leur renouvellement incessant. À la différence des besoins qui sont, comme dit Durkheim, sous la dépendance du corps et peuvent être satisfaits par une consommation bornée par la recherche de la satiété, les besoins supérieurs ne se satisfont pas de quantités déterminables de bien-être, comme le démontre la recherche d'un confort sans cesse plus grand et raffiné. Les désirs ont la fâcheuse tendance d'être insatiables tant qu'une limite extérieure n'intervient pas. Or, l'économie déséquilibrée de ces désirs est typiquement alimentée par l'évolution sociale. En indiquant l'importance du rôle que joue l'imagination dans l'économie des désirs, Durkheim retrouve d'ailleurs les arguments qui sont au cœur de la philosophie de l'individu et de la société de Rousseau, que Durkheim a soigneusement lu et même enseigné à Bordeaux. L'imagination enferme en effet le risque de l'excès, non pas par un dérèglement de sa nature, mais parce que c'est là une propriété qui lui est inhérente. Je vous donne ici une citation de Rousseau. « C'est l'imagination qui étend pour nous la mesure des possibles, ça c'est son caractère extrêmement bénéfique, soit en bien, soit en mal, et qui par conséquent excite et nourrit les désirs par l'espoir de les satisfaire. Mais l'objet qui paraissait d'abord sous la main fuit plus vite qu'on ne peut le poursuivre. Ainsi l'on s'épuise sans arriver au terme, et plus nous gagnons sur la jouissance, plus le bonheur s'éloigne de nous. » Au contraire, plus l'homme est resté près de sa condition naturelle, ça c'est l'hypothèse de Rousseau de contenir ce potentiel explosif, plus la différence de ses facultés à ses désirs est petite et moins par conséquent il est éloigné d'être heureux. Mais il se trouve que l'imagination c'est aussi l'aiguillon de l'inventivité. Et c'est bien à elle et non à la raison que Durkheim et Rousseau avant lui attribuent le rôle moteur dans le progrès humain et dans le perfectionnement des sociétés. L'imagination a la propriété d'aller au-delà du présent. Elle invente, elle peut aussi délirer. Peu importe, elle dépasse l'état présent des choses. C'est son ambivalence fondamentale. Elle ouvre l'espace du nouveau, mais elle ne sait pas s'auto-limiter. Si vous dites « limiter votre imagination », vous pratiquez une contradiction dans les termes. L'imagination de l'individu repousse continuellement les limites de l'apaisement en relançant la quête d'autres satisfactions au risque de provoquer, ça c'est la thèse de Durkheim, une dilapidation de l'énergie vitale de chacun. Elle attise le désir de nouveauté et incline à une consommation immodérée de biens éventuellement superflus. Elle propose des objets inaccessibles ou trop indéterminés pour qu'une satisfaction puisse apaiser momentanément le désir. Et donc, attisés par l'imagination, les désirs de l'individu sont illimités. Livré à sa nature, l'individu ne peut pas inhiber ses désirs. Par elle-même, dit Durkheim dans Le Suicide, l'abstraction faite de tout pouvoir extérieur qui la règle, notre sensibilité est un abîme sans fond que rien ne peut combler. Et il en ira même de la vie de l'individu. Car Durkheim, comme Paul Janet, conçoit que chaque individu possède un capital énergétique déterminé, une certaine somme d'énergie vitale. La survie de l'individu suppose une gestion économique de ce capital. Or, les désirs qui ne trouvent aucune limite en eux dilapident cette énergie, d'autant qu'il leur faut des objets concrets de satisfaction et non pas des satisfactions substitutives imaginaires, comme le pensait Freud, que sur ce point, Durkheim critique. Mais comme je l'ai indiqué assez vite la semaine dernière, voilà une critique fondamentale de l'utilitarisme hédoniste de Helvétius, de Bentham, de Mill ou de Spencer, parce que pour ces auteurs-là, la recherche individuelle du plaisir ne rencontre une intervention extérieure que parce qu'il s'agit pour le législateur ou le gouvernant de rendre la maximisation de la recherche et de la satisfaction individuelle compatible avec un maximum de bien-être collectif. Chez Durkheim, il y a une conception duale de l'individu et même une conception tragique de l'évolution sociale. Le perfectionnement de la civilisation est entretenu par des forces qui entretiennent aussi sans cesse le risque de déséquilibre social. L'argument de Durkheim mérite d'être examiné un tout petit peu parce qu'il est assez subtil. Il ne s'agit pas de faire de la contrainte sociale destinée à limiter l'intempérance des désirs une simple force extérieure. Il s'agit de montrer que cette limitation est requise par la survie même de l'individu. En ce sens, le surmoi social durkheimien appartient bien à une économie psychophysiologique qui est nécessaire à l'organisation intrinsèque de la machine humaine. Tout ceci ne dit encore rien de la différenciation individuelle, mais nous en dit déjà assez long sur la puissance de la critique sous-jacente de l'utilitarisme individualiste. Alors venons-en maintenant à cette question de différenciation individuelle. Quels sont ses fondements selon Durkheim ? Différenciation, selon lui, repose sur des inégalités de capacité et de talent. Certaines de ces inégalités peuvent être réduites, mais d'autres sont incompressibles et ont leur origine dans ce que Durkheim appelle, c'est textuel dans Le suicide et la division du travail social, des dons naturels, ce vocabulaire qui sera critiqué par des auteurs qui se sont inspirés par ailleurs de Durkheim, et ces dons naturels sont, il les cite, l'intelligence, le goût, l'aptitude à l'invention, le courage, l'habileté manuelle, la force physique. Il compare ça à des capitaux héréditaires. Et parmi ces dons, les dons artistiques figurent en bonne place dans la panoplie des capitaux qui sont ultimement porteurs des différences d'individuation. Mais maintenant, de quelle espèce sont ces dons dont parle Durkheim ? Il est tout de même sociologue. Et il invente la sociologie en France et Max Weber en Allemagne. On trouve des indications sur ce grand sujet dans plusieurs ouvrages de Durkheim, la division du travail social, le suicide, je l'ai dit, mais aussi dans éducation et sociologie. Il mentionne donc ces dons dont j'ai parlé, qui sont des forces que chacun de nous reçoit en naissant, comme le propriétaire reçoit son capital, comme le noble autrefois recevait son titre et sa fonction. Donc, il va assez loin dans l'identification d'une différence originaire. Et on semble se mouvoir sur un terrain où l'argument différentialiste paraîtrait se référer à des différences de dotation génétique et donc à une distribution assez puissante d'avantages et de désavantages non compensables. Mais, et c'est là que les choses deviennent intéressantes, ces écarts de talent ou de compétences pourraient bien être en réalité déjà des productions complexes et non pas de simples héritages naturels obtenus dès l'instant de la naissance. C'est cet argument qui apparaît dans des textes que Durkheim consacre à l'éducation. Et je vais me référer ici au volume « Éducation et sociologie » qui paraît en 1922, donc après la mort de Durkheim. Durkheim est mort en 1917. On a célébré le centenaire de sa disparition l'année dernière. Ce livre, « Éducation et sociologie », est un ouvrage posthume composé par Paul Fauconnet à partir d'articles publié par Durkheim et du texte de plusieurs cours qu'il a donné sur l'enseignement, sur l'éducation et la pédagogie, et qui ont tous été écrits entre 1902 et 1911, donc dans la dernière partie de la carrière de Durkheim. Dans ces textes, la version que Durkheim donne des dispositions et des capacités naturelles est assez différente de l'idée que le sens commun peut se faire des dons et des talents. La composition des arguments est peut-être aussi liée à l'objet même de ces cours et de ces articles, à savoir l'éducation. N'est-il pas logique que Durkheim veuille souligner dans ses textes et même maximiser l'importance de l'éducation ? Et on verra tout à l'heure que sa pensée était formée déjà dans le sens que je vais indiquer avant même de donner ses cours et de publier ses articles. Alors, examinons la situation. Durkheim commence par présenter la vision qu'avaient des auteurs comme Locke et Helvétius de la tabula rasa, de l'individu tabula rasa. Donc, nous sommes bien dans un terrain que nous avons maintenant commencé à labourer. Et symétriquement, il présente l'argument des tendances dites congénitales. Donc, il va faire une belle opposition avec une belle symétrie. Je vous donne ici les textes. Je vais les citer parce que je ne les lirai pas tous, mais il est important de donner quelques preuves quand on fait une démonstration. Et j'ai l'appui des textes ici pour soutenir mon propos. La question de la tabula rasa et de son inverse est une question, dit Durkheim, qui a toujours été très controversée. Et il met en symétrie les positions comme par exemple Fontenelle, qui la bonne éducation ne fait pas le bon caractère et la mauvaise éducation ne le détruit pas. Au contraire, pour Locke, l'éducation est toute puissante. Et de l'autre côté, l'éducation ne fait pas l'homme de rien, comme le croyaient Locke et Helvétius, elle s'applique à des dispositions qu'on trouve toutes faites. Et d'un autre côté, on peut concéder d'une manière générale que ces tendances ont. C'est un opposant à la thèse d'Helvétius. Ce n'est pas exactement Durkheim, vous allez voir. On peut concéder d'une manière générale que les tendances congénitales sont très fortes, très difficiles à détruire ou à transformer radicalement, car elles dépendent de conditions organiques sur lesquelles l'éducateur a peu de prise. Par conséquent, dit-il, dans la mesure où elles ont un objet défini, où elles inclinent l'esprit et le caractère des manières d'agir, de faire étroitement déterminées, tout l'avenir de l'individu se trouve fixé par avance et il ne reste pas beaucoup à faire à l'éducation. Voilà la thèse opposée radicalement. Voilà comment on construit un champ de bataille. Mais après cette opposition, cette mise en opposition à vocation plus rhétorique et pédagogique que substantielle, Durkheim présente sa solution. Sa solution consiste à dire « les dispositions innées sont suffisamment indéterminées pour ne pas constituer le support d'un déterminisme mécaniste qui apparenterait la totalité de l'individu à un être d'instinct. » Ici est la réponse de Durkheim. Heureusement, une des caractéristiques de l'homme, c'est que les prédispositions innées sont chez lui très générales et très vagues. En effet, le type de la prédisposition arrêtée, rigide, invariable, c'est ce qu'il appelle l'instinct. Et même, il se demande si l'instinct existe, a jamais existé sous cette forme aussi primitive et brutale, brute. Or, dit-il, les mouvements que nous faisons quand notre vie, même quand notre vie est en danger, donc on pourrait supposer qu'il y a une réaction instinctive, n'ont nullement cette détermination et cette invariabilité automatique. Même les situations dans lesquelles on paraît solliciter des instincts, en fait, nous provoquent à adopter des comportements qui peuvent changer. Nous modifions, ou il dit, nous les approprions, ces comportements, en fonction des circonstances. C'est donc qu'ils ne vont pas sans un certain choix conscient, quoique rapide. Donc, on va chasser l'idée même qu'il y aurait des propriétés instinctives invariables, et on va explorer maintenant ce que sont les fameuses prédispositions. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et Durkheim dit ce que l'enfant reçoit de ses parents, ce sont des facultés très générales, c'est quelques forces d'attention, une certaine dose de persévérance, un jugement sain, de l'imagination. Ça n'est pas rien, mais ça n'est pas encore un déterminisme génétique massif, et pas du tout même. Et le raisonnement, en fait, devient combinatoire. Les éléments produits par l'éducation, c'est ici, doivent pouvoir entrer en composition avec ces dispositions innées et la plasticité de ces dispositions facilite la combinaison des causes. Voilà le genre d'argument. Ce sont des raisonnements de probabilistes de systèmes complexes. Et il faut rendre un grand hommage à Durkheim pour être aussi subtil alors que les outils n'existent pas encore d'analyse statistique de ce type. Ils seront inventés un peu plus tard, même si, on le verra, il discute un des initiateurs de ce genre de recherche statistique, mais pour le critiquer lourdement, c'est Francis Galton. Ici, la citation dit « Chacune de ces facultés peut servir à toutes sortes de fins différentes, de ces facultés, de ces dispositions initiales, et l'écart est donc considérable entre des qualités naturelles et la forme spéciale qu'elles doivent prendre pour être utilisées dans la vie. L'écart, c'est un argument de décomposition de la variance. C'est ça que ça veut dire, dans un vocabulaire plus moderne. C'est dire que l'avenir n'est pas étroitement prédéterminé par notre constitution congénitale. Pardon. La raison en est facile à comprendre. Ça, c'est un très beau lapsus. Merci, Freud. Les seules formes d'activité qui puissent se transmettre héréditairement sont celles qui se répètent toujours d'une manière assez identique pour pouvoir se fixer sous une forme rigide dans les tissus de l'organisme. Or, la vie humaine dépend de conditions multiples, complexes et par conséquent changeantes. Et donc, c'est la conclusion, seules des dispositions très générales, très vagues, exprimant des caractères communs à toutes les expériences particulières, peuvent survivre et passer d'une génération à l'autre. La solution que Durkheim énonce complètement est celle-ci. Forte empreinte de l'éducation sur une matière humaine, certes initialement malléable, mais non abstraitement indifférenciée. Entre les virtualités imprécises qui constituent l'homme en un moment où il vient de naître et le personnage très défini qu'il doit devenir pour jouer dans la société un rôle utile, la distance est donc considérable. C'est cette distance que l'éducation doit faire parcourir à l'enfant. On voit qu'un vaste champ est ouvert à son action. Les économistes feraient bien de relire ces textes. Ils ont fait des travaux formidables à la suite de Jim Ekman, y compris dans un sens extraordinairement réformiste, pour souligner à quel point l'éducation compte et inventer des modèles complexes et combinatoires de facteurs. Mais ils n'ont pas peut-être assez lu ou assez regardé la préhistoire de leurs arguments ou l'histoire de leurs arguments. En réalité, j'ai dit que c'était des textes qui venaient d'éducation et sociologie, mais en fait, Durkheim avait mis au point cet appareil d'analyse dès la division du travail social. Et on trouve notamment dans ce grand livre une discussion précise de théorie sur l'hérédité de l'intelligence, comme celle de Galton. Je vais y venir. En effet, analysant la division du travail, les rapports de travail, la différenciation des professions et les inégalités de revenus qu'elles engendrent, Durkheim cherche à obtenir deux résultats. Premièrement, la division du travail étant devenue plus complexe, ça c'est la signature de notre modernité, elle tire de fait un parti grandissant des différences individuelles. Et deux, pour que l'évolution des sociétés complexes soit acceptée et constitue plutôt un jeu à somme positive qu'un jeu à somme nulle ou négative, il importe que la division du travail, devenue plus complexe, produise de la solidarité interindividuelle plutôt que des relations de conflit généralisés. N'oubliez pas que Durkheim est un réformiste et pas un révolutionnaire. Les cours du Collège de France, vous venez d'écouter le 23 mars 2018 le cours de Pierre-Michel Minger, Différences, talents et éducation, les positions et les controverses sur l'égalitarisme, aujourd'hui Helvétius et Durkheim. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minger. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « La différence, la concurrence et la disproportion, sociologie du travail créateur ». Mixage, Guillaume Ledu. Réalisation, Ghislaine David. Présentation, Meryl Moneghetti. Iconographie web, Claire Poinsignon. Demain, nous poursuivrons notre enquête autour du talent et des controverses sur l'égalitarisme en compagnie de Pierre-Michel Minger. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.